Toute l'équipe et la direction de Salaison Besson désirent remercier sa clientèle de l'encouragement ainsi que la patience qu'ils ont démontré durant les travaux de rénovation qui sont terminés. Venez voir notre nouveau décor qui saura encore mieux vous servir pendant la prochaine année. Joyeux Noël et bonne année de la part de Salaison Besson, qui est situé au 313 de quai d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0606. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. C'est la chronique motoneige, on devait pas en faire une dans le temps des fêtes, mais non, trop de publicité nous oblige à travailler un peu plus. On va en parler avec Louis Gariépy, on va parler de motoneige. Bonjour M. Gariépy. Bien le bonjour. M. Gariépy, avez-vous passé un beau Noël? Très bien, en famille, c'était agréable, quoique j'avais un petit pincement au cœur à cause de la température, ben à oui. cause de la pluie. Là. En tant que motoneigiste, c'est jamais... agréable de voir les conditions météo dans ce sens-là là, pour les sentiers de motoneige. OK. Au moment où on enregistre le podcast, il est présentement 10h55, le 29 décembre. J'écoutais la radio de Québec ce matin, on disait à Québec qu'il allait pleuvoir et que ça allait virer par la suite au froid. Au moment où on enregistre, comment sont les sentiers? On va commencer par notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tiens. Bon, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, j'ai quand même vérifié. Il y a quand même des points d'interrogation pour certains clubs parce que, bon, l'information, vous savez, les bénévoles, là, à Noël, au jour de l'an, ben, ouais. bien sûr, ils sont avec leur famille. Fait que peut-être des informations peuvent être transmises. Mais ça semble être praticable, mais c'est sûr que les conditions se sont détériorées un peu, là. Mm. Mais comme dans l'ensemble du Québec aussi. Alors, de toute façon, nous, on a un voyage de prévu le 2 janvier, là, puis on va aller sûrement dans cette région-là, entre autres. OK. Les autres régions où c'est praticable, un peu où les conditions sont belles? Ben, écoutez, dans la Naudière, ça semble très, très bien, ou okay. bien à très bien. Maintenant, dans la Mauricie, j'ai pas toute l'information, mais... comme ils ont souvent des problèmes là, depuis le début de la saison, ils ont des problèmes de verglas, des arbres dans les sentiers. Oui. Là, je regarde, là, à Trois-Rivières, ils ont eu 12 heures de pluie verglaçante hier. Alors, c'est okay. sûr que probablement que les bénévoles ont beaucoup de travail à faire. Dans les Laurentides, c'est un peu la même chose. Il y a quelques segments d'ouvert. Puis après ça, c'est sûr que, bon, à Montérégie, on oublie ça, là, il n'y a pas de neige. Et du côté du centre du Québec aussi, ça semble pas très, très ouvert. Et Chaudière-Appalaches aussi, on voit là, qu'il y a plusieurs endroits là, que c'est pas encore praticable pour le moment. Okay. Maintenant, les surfaceuses vont sûrement commencer là, à damer les sentiers. Et puis avec la chenille ainsi que les crampons sur la chenille, bien, ils viennent à bout de briser un peu le petit couvert de glace. Là. Et au moins, ça va être praticable pour empêcher les glissières de suspension de coller. Là. C'est souvent la problématique qu'on a. C'est quoi le... Je sais que les centres de ski, on disait que c'était pas loin de 40% du chiffre d'affaires entre Noël et le jour de l'an. La motoneige, vous êtes fait longtemps que vous êtes dans l'industrie de la motoneige. C'est quoi un petit peu au niveau économique? Est-ce que le Noël, le jour de l'an, on peut dire que c'est au moins 40% du chiffre d'affaires qui représente la motoneige, ou après les fêtes, t'as toujours des touristes français, t'as toujours des touristes d'un peu partout qui viennent un peu combler ces pertes-là? Ben écoutez, non, au niveau de la motoneige, c'est différent, dans okay. le sens que lorsqu'on fait de la motoneige avant le 1er janvier, c'est comme un surplus. La seule problématique, c'est qu'il y a des gens, par contre, bon, sans faire beaucoup de motoneige, ils louent des chalets ou d'hébergement avec leur famille, ils profitent de faire quelques kilomètres de motoneige aussi en même temps. Mais là, la motoneige, c'est vraiment le mois de février, que là, tout le réseau est très bien signalisé. Et là, les gens partent en voyage pour des 5, 7, 10, 14 jours. Là. C'est vraiment février concernant la motoneige qui est l'impact majeur. Ils font le tour du Québec, quoi? Ces gens-là, ça va... Écoutez, il y a... En moyenne, en général. Oui, mais au niveau de la motoneige, il y a 13 régions. Moi, j'en fais de 7 à 9 par année. OK. Alors, mais c'est sûr, j'ai tout fait le Québec, là, au fil des ans. Sauf que moi, personnellement, j'en fais habituellement à peu près 7, 8, 9. Bon. Okay. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui fait autant de régions, mais les gens, quand même, parcourent pas mal de kilomètres. Moi, dans mon cas, là, depuis que je fais des statistiques, depuis 1980, ben, j'ai dépassé de 203 000 kilomètres, là. OK. OK. Quelle sorte de motoneige que vous avez actuellement, par curiosité, monsieur Garriépé? Bon, c'est un ski doux Renegade Enduro 900 Ace. OK. De 2019. À la date, j'ai 800 km. Ah, c'est ça bon. Va très, très, très bien. Maintenant, okay. compte tenu des situations qu'on a de plus en plus de glace, de verglas, c'est sûr qu'idéalement, c'est toujours mieux d'avoir des... Moi, j'ai une chenille avec des petits crampons, un peu comme des pneus à clous, là, des petits clous. Et ça, là, c'est au niveau sécuritaire, c'est merveilleux. Bien sûr, il y en a qui mettent des plus gros crampons. Mais si vous avez seulement une chenille avec aucun crampon, ça peut être difficile dans les côtes, dans les courbes, et surtout aux traverses de route. C'est que les traverses de route, c'est sûr que le petit rang de campagne peut-être pas, mais les grandes routes principales, les traverses de route sont toutes glacées au bord de la route, alors c'est sûr que c'est préférable d'avoir des crampons, c'est plus sécuritaire. OK. Ben, monsieur Garriépé, je vous souhaite une bonne année, santé, bonheur, beaucoup de santé en 2019, beaucoup, beaucoup de motoneige également. On sent que vous êtes un passionné de ce sport-là, et au plaisir de se reparler possiblement vendredi prochain pour une chronique régulière. Ben, dans ce cas-là, je vais pouvoir vous parler du périple qu'on va débuter justement le 2 janvier au matin. Ben, merci beaucoup, on s'en reparle. Merci, au revoir. Voilà, Louis Garriépé, notre chroniqueur de motoneige.